Bonjour tout le monde, bienvenue dans la pochette, dans la dernière pochette de la saison. Aujourd'hui, pour finir, j'avais envie de vous parler d'un groupe que j'ai découvert très récemment, il y a quoi, 2 semaines je crois, quelque chose comme ça. Un groupe qui chante en occitan, un duo rock un peu stoner, vous voyez, un peu à la White Stripes, Blood, Royal Blood ou Quartz pour être un peu plus local. Un groupe qui s'appelle CXK ou Courtial X Kogan, puisqu'ils sont deux, donc c'est le nom de chacun. On aura Paulin Courtial à la guitare et au chant et Dimitri Kogan à la batterie. Alors je dis guitare et au chant, le chant d'accord, la guitare du coup avec tous les trucs nécessaires pour avoir un son énorme. De ce que j'ai vu sur les vidéos, il a 3 amplis différents. Alors comme ça au pif, hein, je veux dire qu'il y aura 2 amplis, 2 guitares pour un peu booster cette guitare et un ampli basse avec un octaveur, enfin j'imagine. Le tout avec un pedalboard fabriqué, il me semble, avec une palette qui rend vraiment pas mal. Et c'est de là qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont faire du stoner, comme je le disais, un peu à la Quartz, à la Royal Blood. Ils vont chanter en occitan et ils vont avoir des compositions originales, des textes originaux, mais pas seulement. Ils vont aussi avoir des textes traditionnels sortis de différentes collectivités, on va dire, différents lieux, voilà, de toute l'Occitanie. Ils ont sorti un premier album en 2017 de 7 chansons, un second en 2021 de 4 chansons, un EP du coup. On va écouter nous le premier. Voilà, petite particularité, c'est que toutes les chansons ont été enregistrées en direct, les deux ensemble. Et filmer le tout en plus en plan séquence. En plan séquence, c'est quand on prend une caméra, on l'allume et on l'éteint jamais. On prend une seule caméra, donc il n'y a pas de champ contre champ, il n'y a pas de changement de point de vue, tout ça. C'est une seule caméra tout le temps, du début à la fin. Et du coup, eh ben, c'est un gros défi technique, à la fois musicalement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir sonner bien les deux ensemble, plus la voix, donc pas faire d'erreur, etc. Sinon, ben, on recommence tout. Et en plus, il faut que la vidéo, elle soit cool à ce moment-là, parce qu'évidemment, ben, il faut matcher la vidéo et la musique en même temps. Ils ont fait ça sur 6 chansons sur 7, il me semble que la Marion, je suis pas sûr qu'ils aient fait ça, et le tout dans évidemment différents endroits à chaque fois, un truc abandonné, une menuiserie, une espèce de chalet, enfin voilà, c'est vraiment hyper qualitatif, l'image est vraiment très belle, le son est vraiment très très bon aussi. Voilà, j'étais étonné quand j'ai appris que c'était du direct, parce que ben c'est vraiment, ça sonne vraiment très très bien, très très pro, très très studioisé, quoi, alors que finalement ils jouent vraiment les deux ensemble, ce qui d'habitude laisse pas mal de place aux erreurs, tout ça. On peut noter aussi que sur 2 chansons, ils ont des invités. Sur la toute dernière chanson, on aura Mathieu Baudouin et Romain Baudouin de Artus, dont on a déjà parlé dans un chrono bio, qui vont jouer avec eux sur la dernière chanson et qui du coup prend un peu la forme d'Artus, avec des trucs un peu plus expérimentaux. Et sur la 3e chanson, il me semble, ils ont fait appel à un groupe qui s'appelle Barut, je ne sais pas trop, il y a écrit entre parenthèses polyphonie énervée. Effectivement, je crois que c'est 6 ou 7 chanteurs et chanteuses qui chantent du coup au début de la piste de la chanson et qui vont après retourner. Enfin, vous allez voir les clips. Parce que voilà, quand même pour un premier CD, c'est quand même hyper qualitatif. Ils ont mis les moyens, voilà, une vidéo par chanson, c'est vraiment pas rien. Ça demande beaucoup de préparation et beaucoup de technique. Et voilà, et du coup, ben, c'est mon petit coup de cœur du moment. J'avoue que j'écoute pas mal ça, et c'est vraiment très très bien. Et puis ça fait plaisir de voir aussi, des trucs de l'occitan en mode vraiment gros rock et qui tabasse. Voilà, moi je vais vous laisser avec ce groupe. Si vous voulez les écouter, ben ils sont sur toutes les plateformes. Le premier album est sur toutes les plateformes. Le deuxième, je ne l'ai pas trouvé. Le EP, peut-être qu'il faudra leur dire de mettre le EP sur les plateformes. En tout cas, sur Spotify, je ne l'ai pas trouvé. Ils ont un Bandcamp avec les 2 albums. Toutes les chansons sont sur YouTube et je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube pour voir aussi toutes les vidéos, parce que putain, il y a vraiment de la qualité, la grosse technique, tout ça. Voilà, mais moi je vais vous laisser là, vous laissez écouter cet album de CXK, Courtial X Kogan, et voilà, je vous dis en septembre pour la reprise de la pochette certainement, mais tout l'été aussi, pour un petit format qu'on a appelé été.mp3, dans lequel vous pourrez découvrir découvrir tous les jours une chanson différente, découvrir, redécouvrir, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être juste apprécier aussi. Voilà, je vous remercie en tout cas encore une fois de nous avoir suivis pendant toute cette année, depuis septembre, avec tous les petits formats qu'on a mis en place, qu'on a essayé d'avoir. Voilà, c'était vraiment trop cool et je vous dis du coup à septembre, même si on va quand même être ensemble pendant tout l'été. Allez, salut et je vous laisse avec CXK Courtial X Kogan. Sabe por qué.